Section 29 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades. 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 6, quatrième partie. Les croisades du XIIe siècle. Par Charles Seignobos. La seconde croisade. Une expédition avait suffi pour créer les États chrétiens de Syrie. Mais ils n'étaient pas solides. Les musulmans, chassés de la côte, restaient maîtres de l'intérieur. Les chrétiens n'avaient gardé qu'un très petit nombre de combattants. Il leur fallait, pour se maintenir, recevoir des renforts de l'Europe. Aussi la première croisade fut-elle suivie de beaucoup d'autres. Nous avons l'habitude en France de compter 8 croisades. C'est un chiffre arbitraire. Il ne tient pas compte des croisades de 1101, 1172, 1179, 1197, 1239, 1240. Les numéros d'ordre donnés aux croisades ne sont donc que des chiffres de convention. Nous continuerons cependant à les employer parce qu'ils sont consacrés par l'usage. Pendant la première moitié du XIIe siècle, les croisés allèrent par petites troupes en Orient et aidèrent les princes francs à achever la conquête. Bientôt parut un adversaire dangereux, l'Atabek de Mossoul, Imad ed-Din Zenki, après avoir soumis plusieurs des principautés musulmanes de Syrie, résolut de détruire les États chrétiens. Le comté d'Édesse, le plus voisin des musulmans, fut attaqué le premier. Les Turcs parurent brusquement devant la ville, minèrent les murs, soutinrent les galeries par des charpentes de bois auxquelles ils mirent le feu, et quand le mur s'écroula, entrèrent par la brèche et massacrèrent les habitants. 1144. Les autres États chrétiens n'avaient pas eu le temps d'envoyer des secours à celui d'Édesse. Ce désastre consterna les chrétiens. Saint Bernard, alors vénéré dans tout l'Occident, entreprit de réunir les chrétiens en une grande armée que le clergé dirigerait. Le roi de France, Louis VII, avait déjà fait vœu de croisade pour expier un crime. En 1143, ayant pris Vitry au comte de Champagne, il avait brûlé une église où un millier de personnes étaient enfermées. Les barons et les prélats réunis à Bourges avec le roi n'avaient pu se mettre d'accord sur la croisade. Suger dissuadait le roi de cette aventure. On fit venir Saint Bernard qui conseilla de s'en remettre au pape. Eugène III répondit en louant la bravoure des Français, les engageant à venger le Sauveur sur ses ennemis et promettant la remise des pénitences et la protection de l'Église à quiconque prendrait la croix. Il chargeait Saint Bernard de prêcher la croisade. Une assemblée fut convoquée pour la Pâque de 1146 à Vézelay, en Bourgogne. Une estrade était dressée dans les champs. Bernard y parut avec le roi, qui déjà portait la croix. Il lut la lettre du pape et fit un sermon pour engager les fidèles à secourir leurs frères. Comme autrefois à Clermont, la foule poussa des acclamations et vint en masse près de l'estrade demander la croix. Saint Bernard n'eut pas assez de croix préparées et déchira ses vêtements pour en faire d'autres. La reine Éléonore elle-même voulut prendre la croix. Quelques-unes des dames de la cour l'imitèrent. Bernard, après avoir prêché en différents pays de France, passa en Allemagne, où il fut partout reçu comme un saint. Il vint à l'assemblée de Spire, réunie à la Noël de 1146. Le roi de Germanie, Conrad III, ne voulait pas partir, déclarant qu'il lui fallait prendre conseil des grands du royaume. Il assistait au service dans la cathédrale, Saint Bernard demande à prêcher. Il parle des dangers de l'Église, des mérites des croisés, puis interpellant Conrad, il lui demande ce qu'il répondra au Christ au jour du jugement dernier. Conrad, troublé et les larmes aux yeux, prit aussitôt la croix que le saint lui présenta au milieu des acclamations. Saint Bernard, en parlant de cette scène, l'appelait le miracle des miracles. La diète de Ratisbonne, février 1147, augmenta le nombre des croisés. Il y eut donc deux armées, celle de France et celle d'Allemagne. Chacune avait à sa tête le roi et un légat du pape. Chacune se composait de 70 000 chevaliers environ, accompagnés d'une foule énorme, de gens de pied. Les Grecs évaluèrent le tout à 900 000 hommes, chiffre évidemment exagéré. Toutes deux prirent le chemin de la première croisade, les régions du Danube et la Thrace. Les Allemands, partis en juin 1147, ravagèrent les vallées de Thrace et pillèrent les faubourgs de Constantinople. Ils étaient si pressés de se battre qu'ils voulurent traverser l'Asie mineure au plus court, par Nicée et Iconium. Mais cette cohue indisciplinée n'avançait que lentement. Les cavaliers turcs voltigeaient autour d'eux sur leurs chevaux légers. Les chevaliers pesamment armés se fatiguaient à les poursuivre. Enfin épuisés, mourant de soif et découragés, ils se rabattirent sur la côte pour rejoindre les Français. La plupart furent massacrés ou périrent de misère dans la retraite. Le reste revint à Nicée et y trouva les Français. Ils venaient de quitter Constantinople. L'empereur Manuel, pour les faire partir plus vite, leur avait raconté que les Allemands étaient déjà maîtres d'Iconium. Pour éviter la route où les Allemands avaient péri, les Français firent le tour de l'Asie mineure, le long de la côte, par Smyrne, Éphèse, Laodicée. Il leur fallut traverser des montagnes par des sentiers étroits dans les rochers. Les chevaliers se débandèrent et furent surpris par les Turcs. Un moment, le roi Louis VII lui-même, réfugié sur un rocher, dut se défendre tout seul contre plusieurs ennemis. Ce fut une troupe de Templiers qui donna aux croisés l'exemple de marcher en colonne, et l'on put enfin arriver à Attalia, petit port sur la côte rocheuse de Pamphylie. On y trouva des vivres pour les hommes, mais rien à donner aux chevaux. Les croisés se décidèrent à s'embarquer et envoyèrent demander des navires aux Grecs. On leur en envoya si peu que les chevaliers seuls purent y trouver place. Les autres croisés déclarèrent qu'ils forceraient le passage par terre. Ils périrent, presque tous. Des deux grandes armées parties pour l'Orient, il n'arriva en Palestine que quelques troupes de chevaliers avec les deux rois. 1148. Les chevaliers de Jérusalem se joignirent à eux et leur persuadèrent d'aller attaquer Damas. La ville, une des plus riches de l'Orient, est bâtie au débouché des montagnes, dans une vallée bien arrosée, couverte d'une verdure fraîche, au milieu d'un désert brûlant. Les faubourgs étaient formés de jardins et de vergers entourés de murs et parsemés de petites maisons de campagne. Les croisés envahirent ces jardins et se dispersèrent pour piller. L'émir eut le temps de barricader la ville. On apprit alors qu'une armée musulmane, envoyée par l'Atabek, allait arriver du nord au secours de Damas. Les chevaliers de Jérusalem ne se souciaient pas de continuer le siège. Ils aimaient mieux voir Damas au pouvoir de l'émir que de l'Atabek. Ils décidèrent les croisés à attaquer Damas du côté du sud-est pour éviter les jardins. De ce côté, il n'y avait qu'une plaine nue, aride et brûlante. Les croisés ne purent y rester, se retirèrent et bientôt repartirent pour l'Europe. Cette grande croisade n'avait servi de rien. Les chrétiens en furent si étonnés que les uns cherchèrent par quel péché ils avaient mérité ce désastre. Les autres rejetèrent la faute sur les tromperies des Grecs ou sur la trahison des chrétiens d'Orient. On raconta que ceux de Jérusalem s'étaient laissés corrompre par l'émir de Damas au prix de 250 000 pièces d'or. Mais, ajoutait-on, l'émir les avait trompés et leur avait donné des pièces en cuivre doré. Perte de Jérusalem. L'Atabek Nour ed-Din, lumière de la religion, garda Édesse, et continuant à s'avancer, il s'empara de Damas, 1154, et attaqua les postes avancés du royaume de Jérusalem, à l'est du Jourdain. Pendant ce temps, les chrétiens se querellaient entre eux. À Jérusalem, la reine Mélisande, avec son fils Baudouin III, à Antioche, la princesse Constance, avec ses barons, à Tripoli, la comtesse Audierne, avec son mari, le comte Raymond. Jusque-là, les chrétiens n'étaient pas menacés du côté du sud. Le calife fatimite d'Égypte vivait en paix avec eux. La situation changea quand Nour ed-Din entreprit d'étendre sa domination sur l'Égypte. Deux généraux du calife s'y disputaient la fonction de vizir qui donnait le pouvoir, car le calife n'était plus qu'un souverain nominal. Le vaincu, Chaver, s'enfuit à Damas et demanda secours à Nour ed-Din. L'Atabek envoya en Égypte une armée commandée par un général kurde, Sirku. Les Kurdes sont les montagnards guerriers qui habitent l'ancienne Assyrie. Chaver, devenu vizir grâce à Sirku, se sentit bientôt menacé par son protecteur et demanda secours au roi de Jérusalem. Les chrétiens, unis à l'armée d'Égypte, forcèrent Sirku à se retirer. 1164. Sirku revint encore en 1167 et prit Alexandrie. Les alliés le forcèrent encore à quitter l'Égypte. Mais cette fois, les chrétiens, excités par les profits de cette campagne, le vizir leur payait 10 000 pièces d'or par an, imaginèrent d'attaquer leur allié. Ils envahirent l'Égypte et commencèrent à la piller. 1168. Chaver, désespéré, demanda secours à Nour ed-Din. Le calife du Caire, Al-Adhid, lui envoyait des mèches de cheveux de ses femmes avec ce message : les femmes dont je t'envoie les cheveux te conjurent de les préserver des outrages qu'elles craignent de la part des Francs. Sirku revint en Égypte et cette fois il y resta. Il fit exécuter Chaver, prit le titre de grand vizir et sous le nom du calife devint le maître de l'Égypte. Il mourut aussitôt. Son neveu, Youssouf, fils d'Eyyoub, surnommé Saladin, Salah ed-Din, lui succéda. Il profita de la mort du calife, on dit même qu'il le fit assassiner, pour supprimer le califat du Caire, 1171. Puis, Nour ed-Din étant mort, 1174, il soumit peu à peu la Syrie et la Mésopotamie et prit le titre de sultan. C'était un musulman pieux qui regardait comme un devoir d'expulser les chrétiens d'Orient. Les chrétiens de Jérusalem, menacés à la fois au sud et à l'est par un prince belliqueux, ne se sentaient plus assez forts pour attaquer. Après une victoire inattendue devant Ascalon, 1177, et une défaite sur les bords du Jourdain, 1179, ils obtinrent une première trêve pendant que Saladin allait combattre le sultan d'Iconium et soumettait l'émirat d'Alep, puis une seconde trêve en 1184. Mais un seigneur chrétien, Renaud de Châtillon, sorte de chevalier brigand, qui occupait de l'autre côté du Jourdain un château très fort sur une montagne escarpée, le Krak, se jeta sur une caravane qui allait de Damas en Arabie, la pilla et mit les marchands au fer. Saladin réclama, le roi refusa de rendre la caravane. Saladin jura de tuer Renaud de sa main. Il fit proclamer la guerre sainte en Mésopotamie, en Syrie, en Égypte, envahit le royaume de Jérusalem, 1187, et alla assiéger Tibériade. Les chrétiens vinrent camper à l'ouest de la ville. Ils étaient, dit-on, 2 000 chevaliers et 18 000 fantassins, richement armés. La chaleur était écrasante. Les chefs hésitaient à combattre. Un matin, le roi Guy s'y décida brusquement. On combattit jusqu'à midi. Puis les chrétiens fatigués se retirèrent sur une colline rocheuse près de Hattin. Les sarrasins mirent le feu aux broussailles et aux herbes. Les chevaliers, très éprouvés par la soif, la chaleur, la fumée, n'avaient plus la force de combattre. Ils furent rejetés sur la colline, cernés, massacrés ou pris. Saladin avait en son pouvoir le roi de Jérusalem, le grand maître du temple et la vraie croix, qui servait aux chrétiens de bannière dans la bataille. Il fit venir les seigneurs prisonniers et présenta lui-même à boire au roi. Puis il reprocha à Renaud de Châtillon ses brigandages et le tua de sa main, suivant sa promesse. Il fit exécuter les chevaliers du temple et de Saint-Jean et massacrer la foule des prisonniers non nobles. En quelques semaines, toutes les villes du royaume se rendirent, excepté Jérusalem et Tyr. Saladin assiégea Jérusalem. Quand il eut fait une brèche au rempart, les chrétiens demandèrent à capituler. Ils obtinrent de sortir librement, mais sans emporter leurs biens, et moyennant une rançon de 10 pièces d'or pour chaque homme, 5 pour chaque femme, 30 000 pour la masse des pauvres. La plupart de ces émigrés périrent misérablement. Saladin, entré dans Jérusalem, fit abattre les croix, briser les cloches, purifier les mosquées avec de l'encens ou de l'essence de rose. Il se tenait dans sa tente, les portes ouvertes, recevant des visiteurs et leur faisant de riches cadeaux. Un historien arabe ajoute « On lut les lettres où le prince annonçait l'heureux événement, les trompettes sonnèrent, tous les yeux se remplirent de larmes de joie, tous les cœurs remercièrent Allah du succès, toutes les bouches célébrèrent ses louanges. » La troisième croisade. La perte de Jérusalem consterna les chrétiens. Le pape Urbain III écrivit à tous les princes, les engageant à s'unir contre les infidèles. Il ordonna des jeûnes et des prières publiques, promit l'indulgence plénière à quiconque se croiserait et proclama une paix universelle pour 7 ans. Cette fois, 3 souverains prirent la croix. Frédéric Barberousse avait réuni à Mayence une assemblée de tous les grands d'Allemagne. On prêcha la croisade. Frédéric ne put résister au souffle de l'esprit et reçut la croix. Pour éviter l'encombrement si fatal à l'expédition de Conrad, on interdit l'entrée dans l'armée à quiconque ne posséderait pas au moins 3 marques d'argent, 150 francs. L'armée allemande, environ 100 000 hommes, prit la route de la première croisade par le Danube et la Bulgarie. Elle marcha à peu près en ordre. L'empereur l'avait divisée en bataillons de 500 hommes chacun avec un chef. Il avait formé un conseil de guerre de 60 seigneurs. Il fallut d'abord se battre contre les Byzantins. Les Allemands obtinrent enfin des vaisseaux pour passer l'Hellépont et s'enfoncèrent dans les montagnes de l'Asie mineure à travers un pays dévasté par les guerres. Bientôt, ils n'eurent plus ni vivres ni fourrage. Ils perdirent leurs chevaux. Ils arrivèrent devant Iconium, épuisés et harcelés par les cavaliers turcs. Ils se divisèrent en 2 troupes. L'une força une porte et entra dans la ville. L'autre, commandée par l'empereur, repoussa les Turcs au cri de « Christ règne, Christ est vainqueur ». Les croisés se reposèrent quelques jours dans la ville, puis l'armée franchit les sentiers pierreux du Taurus. Elle était arrivée enfin en Syrie, dans la vallée du Séleph, et se reposait le soir quand Frédéric, après avoir dîné au bord de la rivière, voulut s'y baigner et fut emporté par le courant. Les Allemands, pris de désespoir, se dispersèrent. La plupart se rembarquèrent, d'autres allèrent à Antioche où une épidémie les emporta, juin 1190. Les rois de France et d'Angleterre, en guerre au moment de la croisade, se réunirent sous l'orme de Gisors, s'embrassèrent et prirent la croix, janvier 1188. On prêcha la croisade dans les 2 pays, et pour couvrir les frais, on décida que ceux qui ne partaient pas paieraient le 10e de leurs revenus. Ce fut la dîme saladine. La guerre recommença cependant. Ce fut en 1190 seulement que les 2 rois se mirent en marche. Ils avaient renoncé à la route de terre. Philippe Auguste alla s'embarquer à Gênes. Richard traversa la France et l'Italie. On se rejoignit à Messine. Aussitôt commencèrent les querelles. Les Siciliens voyaient avec colère ces étrangers. Un jour, un Anglais se dispute avec une marchande pour le prix d'un pain. Les gens de Messine le battent, se soulèvent et ferment leurs portes. Richard prend Messine de force et la fait piller. C'est alors, dit-on, que les Siciliens effrayés le surnommèrent « Cœur de Lion ». Philippe réclame sa part de butin et écrit secrètement au roi de Sicile pour lui offrir de le soutenir contre les Anglais. Tout l'hiver, les armées se querellèrent et les chevaliers dépensèrent leur argent. Au printemps de 1191, les Français s'embarquèrent pour la Syrie. Les Anglais qui les suivaient furent poussés par le vent sur la côte de Chypre. L'île était gouvernée par un usurpateur, Isaac Comnène, qui fit piller quelques navires. Richard débarque, se jette sur les troupes grecques qui couvrent le rivage et en 25 jours conquiert toute l'île. Il enlève aux habitants la moitié de leurs terres qu'il distribue en fiefs à des chevaliers et met des garnisons dans toutes les forteresses. En Syrie, les deux rois trouvèrent des croisés de tout pays qui depuis 2 ans assiégeaient Saint-Jean d'Acre. Ils avaient suivi le conseil du roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, qui tenait par-dessus tout à avoir un port. Saint-Jean d'Acre, bâti sur un rocher, avait une forte enceinte. Les croisés, établis dans la plaine, avaient entouré leur camp d'un fossé. Les navires bloquaient le port. Saladin, venu avec son armée, était campé en arrière sur une colline. Il communiquait avec les assiégeants par des pigeons voyageurs ou par des plongeurs. De temps à autre, des navires musulmans parvenaient à faire entrer des provisions dans la ville. Le siège avançait lentement. Les croisés, avec du bois apporté d'Italie, avaient péniblement construit 3 tours de bois à 5 étages. Les assiégés les incendièrent. Puis les pluies d'hiver amenèrent une épidémie dans le camp. À la fin, arrivèrent les Français avec Philippe Auguste, les Allemands avec Léopold, duc d'Autriche. Il y eut encore quelques mois de combat. Enfin, après un siège de 2 ans, la garnison capitula. Elle obtint de sortir librement, à condition que Saladin paierait 200 000 besans d'or, rendrait la vraie croix et relâcherait les prisonniers chrétiens dans un délai de 40 jours. En garantie du traité, les assiégés livrèrent 2 000 otages, juillet 1191. Les combats autour de Saint-Jean d'Acre avaient fait à Richard la réputation du plus brave des chrétiens. Il revenait au camp, disait-on, son bouclier hérissé de flèches comme une pelote d'aiguille. Il était la terreur des musulmans. Les mères s'en servaient de croque-mitaine pour effrayer leurs enfants. « Sois sage ou je vais appeler le roi Richard. » Quand un cheval avait peur, le cavalier lui disait « As-tu vu le roi Richard ?» Ce modèle des chevaliers était brutal et féroce. En entrant dans Saint-Jean d'Acre, il fit arracher du mur la bannière du duc d'Autriche et la fit jeter dans la boue. Saladin, n'ayant pu réunir la somme fixée dans les 40 jours qui suivirent la capitulation, Richard fit amener les 2 000 otages donnés par la garnison devant les murs de la ville et les fit massacrer. Saladin garda son argent, ses prisonniers chrétiens et la vraie croix. Après le siège, Philippe Auguste, pressé de revenir en France, s'embarqua après avoir juré à Richard de ne pas attaquer ses domaines. Richard perdit le temps en petites expéditions le long de la côte. Quand il se décida enfin à marcher sur Jérusalem, l'hiver était venu. Il fut pris par des pluies froides et revint à la côte, 1192. Il aida à rebâtir Ascalon. Puis il alla dégager Saint-Jean d'Acre, que se disputaient les 2 prétendants au royaume de Jérusalem, Conrad de Montferrat avec les Français et les Génois d'un côté, Guy de Lusignan avec les Anglais et les Pisans de l'autre. Là, il apprit que son frère Jean s'entendait avec le roi de France pour envahir ses domaines, et s'embarqua enfin. Conrad venait de s'allier avec Saladin quand il fut tué par 2 assassins envoyés par le vieux de la montagne. 1192. Saladin mourut en 1193. Une nouvelle croisade d'Allemands venus d'Italie par mer, 1197, permit aux chrétiens de Syrie de reprendre toutes les villes de la côte. Mais, à la nouvelle de l'empereur Henri VI, ils se dispersèrent et Jérusalem resta au pouvoir des musulmans. À la fin du XIIe siècle, la domination chrétienne dans le Levant se déplace. Les chrétiens ont perdu leur conquête de l'intérieur. Ils sont rejetés sur la côte. Le royaume de Jérusalem est réduit à la Phénicie. Sa capitale devient Saint-Jean d'Acre, où les Templiers et les Hospitaliers transportent leur principal couvent. Le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche sont réunis sous un même prince. Édesse est définitivement perdue. Les 4 États du XIIe siècle sont ainsi réduits à 2. En revanche, les chrétiens ont acquis à l'ouest 2 États nouveaux. L'île de Chypre, que Richard a conquise et donnée à Guy de Lusignan, devient le royaume de Chypre. Sur le continent, un prince arménien, Léon II, qui a reçu de l'empereur Henri VI le titre de roi, a soumis tous les petits territoires arméniens de la Cilicie. Il a étendu sa domination hors des montagnes du Taurus, à l'ouest sur la côte jusqu'au golfe de Pamphylie, à l'est jusque dans les plaines de l'Euphrate. Il a fait venir des chevaliers et des marchands européens et leur a donné des châteaux et des quartiers dans ces villes. Il a transformé les chefs arméniens en vassaux, leur domaine en fief. Malgré la résistance du clergé et des classes inférieures, il a adopté les usages et les lois des Francs, les assises d'Antioche. Il a forcé son peuple à reconnaître l'autorité du pape. Un légat du pape est venu d'Antars le couronner roi d'Arménie. Ainsi s'est fondé le nouveau royaume de la petite Arménie, où, au-dessus d'un peuple resté arménien, se forme une aristocratie française et qu'on peut considérer comme un État franc. Fin de la section 29.